ça se prend. Les seuls et l'unique Kovo Masola, Patrick Meka Ombre Jaune, Patrick Soudi, Pasteur Francis Lolaï. Emma, Bolimwe Bombela Natena Kolela un jour. Loko la vérité bonté la manque sous choix et mariage. Biso tout au lela canalop. Zambo salaka omniprésent. Mais on la kamoto choya chérie. Jean-Pi Mayasi, boutique Casa Diabramo. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de Britannie, Osia. Nancy Basasala. Sandrine Kalema. José Mubiala, Tati Wabela, femme en espèce, Chida Iboula, à Paris, les on dirait, au tiki motu canavite. Salon Michaud Kanta. Salon Francis Lutumba à Saint-Denis. Faïssa la Libiade. Tobi le Prince, Alain Moussabissou, Georges Moudiangombe. Santimana yo esto ni saca tono y amaya mi su apresi. Patrick Umbata pasi. Sokina la mi mi sobato. Na poco ta fiza santimana tutu na yo esaliti. E para mamoto lingiri susute. Michel Zolay. Bato tu baso lo ba. Charles Basso. Esco zanato li pa. Si familia lo di. Siren Basso si ne sheri okole. Appellation c'est le bail. Charles Basso si ne amour na moto. Motana, kabumba ya zuluba. Charles Basso, esto zana tulipa. Ata kimbala lobi. Charles Basso, sine sheyo kolele moto pasi. Fabi Enzo. Charles Basso, sine amuna moto pasi. Misombe la kato lipa. Buta Brown Entrepreneur. Kosamba liboso ya mwasi oyo ho olingaka. Ele kikutu ya kolonel dani o leko na apresio. Sina mungu. Dadu mingi ukandinga na efkasi o damu. Olekisha. kasi defi Fabrice ba mwen kotika ngai te na telengana kanisa atandenge na sala kapo oyo kamulungi isi Nzambe aya kokoma moto boteka macho Chakotonge Jibril Paka Ngaye va frappe nga boli mwa bikora pensine Ani mbombo Foya plaisir na nga batekia mwana prima mundo Ba salu ba komo souete nga ba retour au village Nga kifuna na maboko Jino panda Lasko nimbo na Nako nyanga jena sosete ya panse Ege to yeye Mula chaka nga motu kezo reskete te kote la route Komo boli mwezo ki mambangu koleka motu kezo ti moto Olaj na mo nani, elbir ma yele manda chova Na prevoye na li mwa 40%, ma na lingi a 100% Manka gane a bilengi Maître Jip Le fouta na nga ma ya mi so zolo bemba Freeman, les secrets de sou Francis Bozo M16 Balonoy